pas vraiment, évidemment. On va retourner demain. Je vais encore le faire là. Là, c'est pas beau avec le soleil. Ah, il y a une position pour qu'on soit. On va se faire là. Avec la bonne pioche. Des nouveaux logements sont créés et